Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes radio de CKRL 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Quand on écoute attentivement de la musique ou encore des créations sonores, on s'attarde évidemment à la chose musicale ou sonore dans les premiers instants de l'écoute, puis avec le temps, on s'absente plus ou moins consciemment de la trame musicale pour vagabonder à travers la pensée, le rêve éveillé. Les musiciens, les artistes eux-mêmes n'échappent pas à ce phénomène. La création sonore ou musicale est rarement limitée à elle-même et pour elle-même. Il arrive qu'elle soit en connexion, en filiation avec d'autres univers. Un paysage, une histoire de famille, une liaison amoureuse. Bon, vous voyez venir. Je vous propose ce soir des créations sonores et musicales qui ont été imaginées en connexion avec des sites du patrimoine mondial désignés notamment par l'UNESCO. C'est un bel article du journaliste James Guy qui m'en a donné l'idée depuis cette question fondamentale. Comment identifier les sons culturellement significatifs et comment les préservons-nous à l'avenir, se demande-t-il. Alors, on va écouter ce soir des œuvres sonores et musicales associées à des sites, des lieux et des architectures du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on débute ça avec un projet de l'artiste sonore, chanteuse Sarah Persico, originaire de Naples en Italie, qui vit à Berlin et dont le dernier album explore les résonances sonores de la Foire internationale de Rachid Karami, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, situé à Tripoli, au nord du Liban. « Je pense, dit-elle, Sarah Persico, que le patrimoine est un cadeau, un puissant outil de connexion pour comprendre les lignes du temps. » Je referme les guillemets. Conçu par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer entre 1962 et 1967, on dit que la Foire internationale Rachid Karami à Tripoli est l'un des lieux les plus spectaculaires de la ville portuaire antique. Le vaste centre d'exposition était d'ailleurs destiné à attirer environ 2 millions de visiteurs par an, présentant la position culturelle du pays au Moyen-Orient et dans le monde. Lorsque la guerre civile a éclaté en 1975, dit-on, la construction s'est arrêtée, n'a jamais repris. La foire était le projet phare de la politique de modernisation du Liban dans les années 1960. Bon, en termes d'échelle et de richesse d'expression formelle, on dit que c'est l'une des principales œuvres représentatives de l'architecture moderne du 20e siècle dans le Proche-Orient arabe. En octobre 2022, l'artiste et chanteuse italienne Sarah Persico visite Beyrouth pour une courte tournée et se retrouve sur le site de la Foire internationale de Rachid Karami. « J'ai été immédiatement impressionné, dit-elle, par les caractéristiques sonores uniques du dôme, ce qui fait qu'elle est revenue un an plus tard pour documenter la réponse sonore de cette architecture, bon, en y ajoutant évidemment des chants, des cris et des chuchotements de voix à connotation fantomatique. Alors, on écoute un premier jet de ce projet sonore intitulé « Sphera » qui se veut un écho sonore d'un site fabuleux du patrimoine mondial. Thank you. Sarah Persicot raconte à propos de son album que chaque piste examine les possibilités d'un paysage sonore unique de ce lieu patrimonial et le rôle qu'il joue encore dans Tripoli en tant que monument et reflet d'une époque qui jette toujours une ombre sur le monde contemporain. L'impressionnant héritage de Niemeyer nous invite à réfléchir sur l'histoire du Liban, sur les jeux de pouvoir, l'irréversibilité des faits, explique Persicot. Sfera exploite la façon dont le son peut activer la structure architecturale et vice-versa, sa voix cérémonielle portant la réponse impulsive de ce dôme du théâtre expérimental libanais. J'ai eu la chance de voyager au Liban, de partager ma musique, de collaborer avec des artistes locaux et de me plongée dans le patrimoine culturel du pays, un héritage constamment menacé, dit-elle. Je vous présente maintenant un très beau projet du saxophoniste, artiste du spoken word et compositeur de Manchester, en Angleterre, Alabaster de Plume, un projet réalisé en Palestine dans le cadre d'une résidence sur les sonorités architecturales du Centre culturel de Wonder Cabinet à Bethléem, un ouvrage représentatif, dit-on, de l'architecture brutaliste qui a été conçu par O. Anatas et réalisé de manière créative par les architectes Elias et Youssef Anatas. Le Wonder Cabinet, qui est maintenant en fonctionnement, vise à devenir un centre dédié à l'artisanat et à l'innovation artistique. Le centre n'est pas à proprement parler un édifice du patrimoine mondial, mais se trouve érigé à proximité des collines de Batyr qui, elles, en font partie. Bon, les collines de Batyr, près de Jérusalem, comprennent une série de vallées agricoles, dit-on, caractérisées par des terrasses de pierre, dont plusieurs sont irriguées par la production maraîchère, d'autres sèches, plantées de vignes et d'oliviers. Comme le souligne Alabaster de Plume, cet album intitulé Crimson, Prologue to a Blade, présente trois créations personnelles et évocatrices enregistrées dans des lieux d'une importance majeure. Chaque pièce témoigne du pouvoir de la collaboration avec des gens et l'importance du lieu dans la formation du processus artistique puisque, dit-il, les pistes ont été créées avec la collaboration d'artistes locaux, le pianiste Sami El Enani et le joueur de kanoun Leith Al-Bandak. Tout ça résume de Plume inspiré par l'expérience de la vie en solidarité avec les habitants de la Palestine. On écoute pour débuter une trame d'ouverture intitulée Rayons de soleil, Honeycomb, dans lequel vous allez reconnaître le saxophone hésitant de Alabaster de Plume. Alors on écoute ça. Thank you. Ah ben, Lester de Plume, ben, il a voulu souligner avec ce projet en Palestine le pouvoir de la collaboration dans le processus artistique. La création intitulée Crimson, enregistrée dans les derniers instants d'une journée de performance organisée par Radio Alara et le Wonder Cabinet en juin 2024, a mis en vedette un éventail d'artistes, dont le joueur de Kanun, Leyd Al-Banak, dans un appel et une réponse, dit-il, au chagrin et à la résilience. Je suis allé vers des choses que je craignais, raconte de Plume, des lieux dans le monde et en moi-même où la dignité et la souveraineté ont leur rôle dans le travail de guérison. Je referme les guillemets pour compléter la demi. On écoute cette pièce intitulée Crimson, création réalisée en juin 2024 aux côtés d'artistes locaux et internationaux à proximité des terrasses vallonnées du district de Bethléem, près du site patrimonial de l'UNESCO, le site de Batyr situé dans les hautes terres entre Naplouse et Hébron. Il s'agit pour De Plume d'un témoignage de l'interconnexion et de l'amitié sur une terre menacée par la partition. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi. Je vous reviens après un bref battement promotionnel et puis on poursuit sur ces musiques inspirées par les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission qui compose avec la création sonore et les musiques merveilleuses. On va donc poursuivre l'écoute de ces créations sonores et musicales qui ont été imaginées en connexion avec des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui, par leur nature même, soulèvent cette belle question philosophique. Comment identifier, préserver les sons culturellement significatifs sur le plan patrimonial? Pour prendre le temps d'y réfléchir, je vous fais entendre cette fois un projet réalisé en juillet 2021 par Max Cooper. C'est un compositeur de musique électronique, un artiste multidisciplinaire qui s'est produit sur le site de l'Acropole dans le cadre du réputé festival d'Athènes Epidaurus. Sa prestation a été présentée en première mondiale pour un artiste des musiques techno pour jouer à l'Odéon d'Hérode Atticus, un théâtre romain construit au pied de l'Acropole en l'an 161. Ça fait un bail. Performer à l'Acropole a été une expérience fascinante, raconte Max Cooper, un scénario de concert extrêmement intense dans ce lieu vieux de 2 millénaires. À une hauteur de 85 pieds, l'Odéon d'Hérode Atticus est l'un des plus anciens sites de représentation au monde, faisant partie du complexe de l'Acropole, site du patrimoine mondial. Lorsqu'un artiste se produit dans ce lieu unique, dit Cooper, il n'a aucune illusion, le monument demeure le principal protagoniste. Alors on écoute une création de Max Cooper interprétée à l'Odéon d'Hérode Atticus. Thank you. On raconte que la performance sonore et musicale de Max Cooper a permis d'intégrer à merveille l'architecture, la beauté et l'histoire du théâtre d'Hérode Atticus et de l'Acropole comme n'importe laquelle de ses collaborations musicales et visuelles. En révélant l'esprit millénaire du lieu, raconte le compositeur Wim Mertens, Cooper a performé tel un visionnaire en matière d'image et de son. Selon l'UNESCO, l'Acropole d'Athènes et ses monuments sont le symbole universel de l'esprit et de la civilisation classique. Ils forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce antique au reste du monde, ce dont Max Cooper a bien compris. Alors, on écoute une autre des 18 créations performées par Max Cooper sur le site du théâtre d'Hérode Atticus de l'Acropole d'Athènes en Grèce. Alors, on écoute ça. Je vous amène cette fois dans un univers sonore totalement différent, mais toujours en lien avec des lieux du patrimoine mondial. On va prendre le temps d'écouter quelques créations de l'Australienne Ross Brandt, une artiste du son qui travaille depuis plusieurs années à l'exploration de nouvelles formes d'art sonore par le biais de performances rituelles qu'elle exécute sur des sites antiques du patrimoine mondial. Le projet que je vous présente ce soir s'intitule Tarou Connection, puisqu'on va entendre des créations mettant en vedette le tarou, cet instrument à quatre cordes inventé dans les années 80, dérivé, dit-on, des cultures orientales et occidentales. Le tarou est mon outil de divination, raconte Ross Brandt. Au cours des 10 dernières années, je n'aurais pas su prédire les voyages que nous avons faits ensemble et les connexions que le tarou a établies. C'est mon taureau de Minos. Il a parcouru de nombreux continents et sonné à l'intérieur de nombreux sites patrimoniaux de l'UNESCO et réserves de la biosphère. Il a grimpé les plus hautes montagnes, dit-elle, accompagné les baleines diffusées à la radio japonaise, envoyé des messages via l'énergie solaire à des harpistes de concert installés pour jouer dans des buissons australiens. Pour moi, dit-elle, le tarou rappelle l'immédiateté d'être en vie et les liens que nous établissons avec les autres. On écoute un premier extrait de ce projet intitulé Tarou Connection en référence à la vieille ville de Chania en Crète, site du patrimoine mondial. Thank you. Pour réaliser ce projet, Taru Connection, Russ Brandt a séjourné sur différents sites patrimoniaux de l'UNESCO, bon, je l'ai raconté, dont la forteresse de Corfou en Grèce, la vieille ville de Chania en Crète et le complexe du temple mégalithique de Gantidia à Malte. Chaque site du patrimoine est un espace pour écouter, écrire Russ Brandt, un lieu où le temps et l'espace fusionnent via le son. Avec le tarot, dit-elle, les idées, les fictions et les rêves deviennent réalité en performance, en studio, sur les lieux environnementaux, au sein d'installations sonores. Ils traversent l'ancien et le nouveau, le haut et le bas, le proche et le lointain, le possible et l'impossible. Ils volent au-dessus de la stratosphère, tel un puissant aigle sculptant le cosmos. Alors, on poursuit l'écoute d'une autre série de créations de Russ Brandt. مطرب مهتاب رو آن چه شنیدی بگو ما همگان محرمی آن چه بدیدی بگو ای شاه و سلطان ما ای طربستان ما در حرم جان ما بر چه رسیدی؟ بگو نرگس خمار او ای که خدا یار او دوش ز گلزار او هر چه بچیدی بگو دست من چون دل سرمست من ای همه را دید تو آنچه گزیدی بگو عید تو ماند ابد کس فلک بی مدد چون برهیدی بگو در شکرستان جان غرقه شدم ای شکر زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو Bon, je reprends en terminant la conclusion du journaliste James Guy à propos de cet héritage patrimonial identifié par l'UNESCO. Un héritage qui soulève d'importants enjeux. Lorsque vous examinez la notion même de patrimoine mondial, les désignations de l'UNESCO peuvent signifier une course bien réelle à la monétisation de ces lieux par les élites économiques de Paris, de Londres ou de Berlin. Et à l'émergence, en contrepartie, de pratiques culturelles sous-jacentes minées par l'argent. Selon le contexte toutefois, la désignation du patrimoine culturellement significatif peut être un outil de résistance culturelle, dit-il, contre l'effacement. Les Palestiniens confrontés au nettoyage ethnique ont longtemps célébré, rappelle-t-il, leur lien avec la terre par le biais de leur héritage, avant et après l'UNESCO. C'est à souligner. Alors sur ce, grand merci aux artistes et musiciens de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Sarah Persico, Alabaster de Plume, Max Cooper et Russ Brandt. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour une écoute quand ça vous tente. Et pour clore l'émission, on écoute une création de Yoshi Kamimura qui enregistrait en 2022 le crépitement de la glace à la dérive et le sifflement des phoques dans la mer Tokoche au large de la péninsule du Shitoku au Japon. Un rappel brutal de l'importance, dit-il, d'écouter ces sons qui disparaissent rapidement, une exhortation frappante à protéger le patrimoine biologique dans lequel nous coexistons. Alors voilà, depuis les studios CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.